FSI, French Revised, Unit 4, Tape 7. Practice drills. Practice drill A1. Je suis en retard. Je vais prendre un taxi. Je suis en retard. Je vais prendre un taxi. Il est en retard. Il est en retard. Il va prendre un taxi. Nous sommes en retard. Nous sommes en retard. Nous allons prendre un taxi. Ils sont en retard. Ils sont en retard. Ils vont prendre un taxi. Elle est en retard. Elle est en retard. Elle va prendre un taxi. Nous sommes en retard. Nous sommes en retard. Nous allons prendre un taxi. Elles sont en retard. Elles sont en retard. Elles vont prendre un taxi. Vous êtes en retard. Vous êtes en retard. Vous allez prendre un taxi. On est en retard. On est en retard. On va prendre un taxi. Practice drill A2. Nous n'allons pas déjeuner parce que nous sommes pressés. Nous n'allons pas déjeuner parce que nous sommes pressés. Parce que vous êtes pressé. Vous n'allez pas déjeuner parce que vous êtes pressé. Parce qu'ils sont pressés. Ils ne vont pas déjeuner parce qu'ils sont pressés. Parce qu'elle est pressée. Elle ne va pas déjeuner parce qu'elle est pressée. Parce qu'on est pressé. On ne va pas déjeuner parce qu'on est pressé. Parce qu'il est pressé. Il ne va pas déjeuner parce qu'il est pressé. Parce que je suis pressé. Je ne vais pas déjeuner parce que je suis pressée. Parce qu'elles sont pressées. Elles ne vont pas déjeuner parce qu'elles sont pressées. Practice drill A3. Tutor. Vos amis vont-ils en vacances? Student. Oui, ils vont en vacances. Allez-vous en vacances? Oui, je vais en vacances. Votre ami va-t-il en vacances? Oui, il va en vacances. Vos amis vont-elles en vacances? Oui. Elles vont en vacances. Votre amie va-t-elle au magasin? Oui, elle va au magasin. Allez-vous à la gare? Oui, je vais à la gare. Vos frères vont-ils au bureau? Oui, ils vont au bureau. Le gérant va-t-il au bureau? Oui, il va au bureau. Practice drill A4. Tutor. Je vais déjeuner. Student. Où allez-vous déjeuner? Il va déjeuner. Où va-t-il déjeuner? On va déjeuner. Où va-t-on déjeuner? Ils vont déjeuner. Où vont-ils déjeuner? Elle va déjeuner. Où va-t-elle déjeuner? Je vais déjeuner. Où allez-vous déjeuner? Elles vont déjeuner. Où vont-elles déjeuner? Je vais déjeuner. Où allez-vous déjeuner? Practice drill A5. Tutor. Janine est en retard. Student. Va-t-elle prendre un taxi? Je suis en retard. Allez-vous prendre un taxi? Les enfants sont en retard. Vont-ils prendre un taxi? Ma sœur est en retard. Va-t-elle prendre un taxi? Mon frère est en retard. Va-t-il prendre un taxi? Je suis en retard. Allez-vous prendre un taxi? Mes parents sont en retard. Vont-ils prendre un taxi? Mademoiselle Courtois est en retard. Va-t-elle prendre un taxi? Practice drill A6. Tutor. Vous avez une boucherie? Student. Oui, j'ai une boucherie. Vous allez à la boucherie? Oui, je vais à la boucherie. Vous avez la chambre? Oui, j'ai la chambre. Vous allez dans la chambre? Oui, je vais dans la chambre. Vous avez une fenêtre? Oui, j'ai une fenêtre. Vous allez à la fenêtre? Oui, je vais à la fenêtre. Vous allez au rez-de-chaussée? Oui, je vais au rez-de-chaussée. Vous avez des vacances? Oui, j'ai des vacances. Vous allez en vacances? Oui, je vais en vacances. Situation 1. Écoutez. Monsieur Cousin va en ville tout de suite. Il va déposer Monsieur Bonnet au restaurant. Il va au magasin à côté. Ils vont arriver dans 3 minutes. À quelle heure allez-vous en ville? J'y vais tout de suite. Est-ce que je peux y aller avec vous? Mais oui. Où puis-je vous déposer? Au restaurant, si cela ne vous dérange pas. Pas du tout. Je vais au magasin à côté. Je crois que je suis en retard. Oh, nous arrivons dans 3 minutes. Situation 1. Répétez. À quelle heure allez-vous en ville? J'y vais tout de suite. Est-ce que je peux y aller avec vous? Mais oui, où puis-je vous déposer? Au restaurant, si cela ne vous dérange pas. Pas du tout, je vais au magasin à côté. Je crois que je suis en retard. Oh, nous arrivons dans 3 minutes. Situation 1. Participez. Vous êtes Monsieur Bonnet. Commencez. J'y vais tout de suite. Mais oui, où puis-je vous déposer? Pas du tout. Je vais au magasin à côté. Oh, nous arrivons dans 3 minutes. Maintenant, vous êtes Monsieur Cousin. À quelle heure allez-vous en ville? Est-ce que je peux y aller avec vous? Au restaurant, si cela ne vous dérange pas. Je crois que je suis en retard. Situation 2. Écoutez. Monsieur Bertin est au magasin. Il voudrait un costume. Les premiers costumes sont très chers. Le vendeur montre des costumes en solde à Monsieur Bertin. Celui-ci va essayer un costume. Je voudrais un costume marron. Veuillez me suivre, monsieur. Ces costumes sont très chers. Nous en avons aussi en solde. Voulez-vous me les montrer? Les voici, monsieur. Est-ce que je peux essayer celui-ci? Mais oui, je vous la porte à côté. Situation 2. Répétez. Je voudrais un costume marron. Veuillez me suivre, monsieur. Ces costumes sont très chers. Nous en avons aussi en solde. Voulez-vous me les montrer? Les voici, monsieur. Est-ce que je peux essayer celui-ci? Mais oui, je vous la porte à côté. Situation 2. Participez. Vous êtes monsieur Bertin. Commencez. Veuillez me suivre, monsieur. Nous en avons aussi en solde. Les voici, monsieur. Mais oui, je vous la porte à côté. Maintenant, vous êtes le vendeur. Je voudrais un costume marron. Ces costumes sont très chers. Voulez-vous me les montrer? Est-ce que je peux essayer celui-ci? Question drill. Où achète-t-on les costumes? Chaussez-vous du 42? Où faites-vous réparer les chaussures? Savez-vous à quelle heure ferment les grands magasins? Où allez-vous la semaine prochaine? Où achetez-vous? Quand allez-vous en ville? Êtes-vous seul à Washington? Le cordonnier lave-t-il le linge? Où déjeunez-vous à midi? Déjeunez-vous à 1 heure ou à midi? Les chemises sont-elles toujours en solde? Savez-vous s'il y a un bon restaurant près d'ici? À quelle heure commencent les classes? À quel étage est votre classe? Faites-vous nettoyer vos costumes? Déjeunez-vous toujours seul? Avec qui allez-vous déjeuner aujourd'hui? Allez-vous prendre un taxi pour rentrer ce soir? À quelle heure rentrez-vous? Quand faites-vous vos courses? Response drill. Demandez à monsieur si les magasins ferment à 6 heures. Dites que vous êtes en retard. Dites que vous n'êtes pas toujours en retard. Demandez à monsieur s'il va en ville cet après-midi. Demandez à monsieur pourquoi il est en retard. Dites-moi que je ne suis pas en retard. Dites-moi que vous êtes heureux de faire ma connaissance. Demandez à monsieur quelle est son encolure. Demandez à monsieur s'il a un costume marron. Demandez-moi où vous pouvez faire réparer vos chaussures. Dites à monsieur qu'il peut faire réparer ses chaussures près d'ici. Demandez-moi si je vais en ville ce soir. Dites à monsieur que vous n'allez pas déjeuner à 1 heure. Demandez-moi à quelle heure arrive votre train. Demandez à monsieur si ses bagages sont à la gare. Dites-moi que vous ne savez pas où est votre ami. Demandez à monsieur où vous pouvez trouver un bon restaurant. Dites-moi qu'il y a un bon hôtel par ici. Demandez à monsieur si les pharmacies sont fermées aujourd'hui. Demandez-moi pourquoi le train ne part pas à l'heure. Demandez-moi si j'ai des nouvelles de vos amis. Dites que vous n'êtes pas très pressé. Review drills. Review drill 1. Je suis pressé parce que je vais déjeuner. Je suis pressé parce que je vais déjeuner. Ils sont pressés. Ils sont pressés parce qu'ils vont déjeuner. Nous sommes pressés. Nous sommes pressés parce que nous allons déjeuner. Elle est pressée. Elle est pressée parce qu'elle va déjeuner. On est pressé. On est pressé parce qu'on va déjeuner. Elles sont pressées. Elles sont pressées parce qu'elles vont déjeuner. Il est pressé. Il est pressé parce qu'il va déjeuner. Je suis pressé. Je suis pressé parce que je vais déjeuner. Review drill 2. Nous allons voir si nous avons nos valises. Nous allons voir si nous avons nos valises. Il va voir. Il va voir s'il a ses valises. Elle va voir. Elle va voir si elle a ses valises. Nous allons voir. Nous allons voir si nous avons nos valises. Je vais voir. Je vais voir si j'ai mes valises. Ils vont voir. Ils vont voir s'ils ont leurs valises. Il va voir. Il va voir s'il a ses valises. Elles vont voir. Elles vont voir si elles ont leurs valises. Vous allez voir. Vous allez voir si vous avez vos valises. Je vais voir. Je vais voir si j'ai mes valises. Nous allons voir. Nous allons voir si nous avons nos valises. Review Drill 3. Il va faire assurer ses bagages. Il va faire assurer ses bagages. Nous. Nous allons faire assurer nos bagages. Elle. Elle va faire assurer ses bagages. Il. Ils vont faire assurer leurs bagages. Vous. Vous allez faire assurer vos bagages. Je. Je vais faire assurer mes bagages. Nous. Nous allons faire assurer nos bagages. Elles. Elles vont faire assurer leurs bagages. Ils. Il va faire assurer ses bagages. Review Drill 4. Tutor. Vous êtes seul? Student. Oui, pour quelques jours. Ma sœur arrive la semaine prochaine. Il est seul? Oui, pour quelques jours. Sa sœur arrive la semaine prochaine. Ils sont seuls? Oui, pour quelques jours. Leur sœur arrive la semaine prochaine. Vous êtes seul? Oui, pour quelques jours. Ma sœur arrive la semaine prochaine. Elle est seule? Oui, pour quelques jours. Sa sœur arrive la semaine prochaine. Vous êtes seul? Oui, pour quelques jours. Ma sœur arrive la semaine prochaine. Elles sont seules? Oui, pour quelques jours. Leur sœur arrive la semaine prochaine. Il est seul? Oui, pour quelques jours. Sa sœur arrive la semaine prochaine. Review Drill 5. Tutor. À quelle heure vont-ils à la gare? Student. Je crois qu'ils vont à la gare à 1 heure. À quelle heure déjeunez-vous? Je crois que je déjeune à 1 heure. À quelle heure votre amie arrive-t-elle à Paris? Je crois qu'elle arrive à Paris à 1 heure. À quelle heure allez-vous au magasin? Je crois que je vais au magasin à 1 heure. À quelle heure vos amis vont-ils au magasin? Je crois qu'ils vont au magasin à 1 heure. À quelle heure allez-vous au bureau? Je crois que je vais au bureau à 1 heure. À quelle heure vos amis arrivent-elles à la gare? Je crois qu'elles arrivent à la gare à 1 heure. À quelle heure le gérant déjeune-t-il? Je crois qu'il déjeune à 1 heure. À quelle heure les enfants déjeunent-ils? Je crois qu'il déjeune à 1 heure. À quelle heure les magasins ferment-ils? Je crois qu'il ferme à 1 heure. À quelle heure allez-vous en ville? Je crois que je vais en ville à 1 heure. End of Unit 4.